إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة واعلموا عباد الله رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى بل خلقنا لأمر أخبرنا به في كتابه العزيز فقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة الله عز وجل هي الغاية التي من أجلها خلقنا والتي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى وأوجدنا في هذه الدنيا Serviteur d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la taqwa, qui consiste à mettre en pratique ce qu'Allah a ordonné, s'éloigner de ce qu'Allah a interdit, se contenter de ce qu'Allah nous a accordé, et être satisfait du destin qu'Allah nous a prédestiné, et se préparer au jour dernier. Car cette taqwa est la clé de la réussite en ce bas monde et dans l'au-delà. Puis sachez, serviteur d'Allah, qu'Allah me comble ainsi que vous-même de sa miséricorde, qu'Allah ne nous a pas créés en vain. Elle ne nous a pas laissé à vivre sans but et sans nous fixer d'ordre et d'interdiction. Il ne nous a pas laissé à errer en ce bas monde sans avoir d'objectif. Loin de là, Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'être heureux en ce bas monde et dans l'au-delà, nous a informé d'un objectif pour lequel il nous a créés. Dans son noble livre, il dit « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». L'adoration d'Allah est donc le but de la création. والعبادة أيها الإخوة الكرام التي من أجلها خلقنا قائمة على أصلين الأول على حب كامل لله الذي أي هذا الحب الذي ينشأ عن مشاهدة منة الله عز وجل وثانيا والذل التام الذي ينشأ عن معرفة عيوب النفس والعمل ونقصانه وقد جمع هذان المعنيان في حديث سيد الاستغفار الذي يقول فيه العبد لربه وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أي أعترف بنعمتك علي وأعترف بذنبي فاغفر لي إقرار بالنعم وبمنة الله عز وجل على عبده وإقرار ومعرفة بعيب النفس والعمل أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Et cette adoration, en vue de laquelle nous fûmes créés et pour laquelle nous sommes en ce bas monde, est fondée sur deux piliers. Elle se construit sur deux fondements. Le premier, l'amour complet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour qui découle de l'observation des bienfaits d'Allah sur toi. Cet amour complet provient d'où ? Lorsque tu prends le temps d'observer tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et deuxièmement, le deuxième fondement de cette adoration, c'est l'humilité, la soumission complète à celui que tu aimes, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Cette soumission, cette humilité découle et sont causées par la connaissance de tes propres défauts et ceux des bonnes œuvres que l'on accomplit et qui sont loin d'être à la hauteur. lorsque tu regardes tes défauts, tes péchés, et tu regardes même les bonnes œuvres que tu accomplis, et qui sont loin d'être à la hauteur, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'humilies, et tu te rabaisses, et tu te soumets à qui? Au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux points qu'on a cités, l'amour complet, l'humilité, la soumission complète à celui que tu aimes, qui sont les deux piliers d'adoration, se retrouvent dans la dua appelée Sayyidul Istighfar. C'est l'une des meilleures dua qu'on puisse faire lorsqu'on a commis un péché, lorsqu'on souhaite se repentir. Qu'est-ce qu'on dit dans cette dua? La dua commence par Allahumma anta rabbi khalaqtani. Ya Allah, tu es mon Seigneur, tu m'as créé. Jusqu'à ce que le serviteur dise Abu ola kabini amatika alayya. Je reconnais l'ensemble des bienfaits que tu m'as accordés. Je reconnais l'ensemble des bienfaits que tu m'as accordés et je reconnais aussi mes péchés. Pardonne-moi donc. Donc la demande de pardon est une adoration. De quoi a été précédée cette adoration? De la reconnaissance des bienfaits d'Allah sur toi. Et de l'autre côté, la reconnaissance de tes péchés. Donc les piliers d'adoration sont au nombre de combien? De deux. Un amour complet et une soumission, une humilité complète à celui que tu aimes. Voici donc une reconnaissance de la part du serviteur des bienfaits et des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et une reconnaissance des défauts de sa personne et se présentant dans ses actes. وَالْحُبُّ الْكَامِلُ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ الْحُبُّ الْكَامِلُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ مَنْشَأُهُ مُشَاهَدَةُ الْعَبْدِ لِمِنَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ والذل التام الذي منشأه معرفة العبد بعيوب نفسه وعمله وهذا أي هذان الأمران لا يستقيم إلا باستقامة القلب والجوارح هذان الأمران لن يستقيم إلا باستقامة القلب والجوارح واستقامة القلب كيف تكون وهذا هو السؤال المطروح l'origine donc de cet amour complet d'Allah est de témoigner des bienfaits d'Allah et sa faveur envers son serviteur. Et l'origine de cette humilité et cette soumission complète est la connaissance du serviteur de ses propres défauts et ceux présents dans ses œuvres, dans ses péchés et même dans ses bonnes actions qui sont loin d'être à la hauteur. Et cet amour et cette humilité ne peuvent se réaliser que si le cœur et les membres du corps se tiennent droit. Que si le cœur et les membres du corps se tiennent droit. La question maintenant est donc de se demander en quoi consiste la droiture du cœur et comment faire en sorte que son cœur soit droit. واستقامة الجواب أيها الإخوة الكرام أن استقامة القلب تكون أو لا تكون إلا بأمرين. أولهما أن تكون محبة الله عز وجل مقدمة في قلب العبد على غيره من المحاب. أن تكون محبة الله في قلب عبده مقدمة على جميع المحاب. فإذا تعارض حب الله عز وجل وحب غيره إذا تعارض حبان كان المقدم حب الله عز وجل سبق حب الله حب غيره وحب ما سواه وترتب على ذلك مقتضاه على الجوارح أي إذا تقدم حب الله على حب غيره في القلب لا بد يظهر هذا على الجوارح فلسنا مرجئة أيها الإخوة الكرام فعقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة إذا استقام القلب استقامت الجوارح وعدم استقامة الجوارح دليل قاطع على عدم استقامة القلب وانتفاء جميع الأعمال دليل على انتفاء جميع أعمال القلب وما أيسر هذا الأمر بالدعوة أي ما أيسر ادعاء استقامة القلب والجوارح بمجرد الدعوة وما أيسر أن يدعي العبد أن حب الله عنده مقدم على غير من المحاب وأنه إذا تعارض حب الله وحب غيره قدم ما يحبه الله على ما يحب غيره ما أيسر هذا بالدعوة وما أصعبه بالعمل وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. Et la droiture du cœur, très chers frères, se réalise ou ne se réalise que par deux choses. Premièrement, que l'amour d'Allah dans le cœur du serviteur prévaut et passe sur toutes les autres choses qui lui sont chères et qui lui tiennent à cœur. Que l'amour d'Allah soit ce qui lui importe le plus, ce à quoi il ne renoncera jamais, venait-il à être découpé en morceaux ou brûlé vif. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tushrik billah wa in qutta'ta aw hurriq. N'associe rien à Allah, même si tu étais découpé en morceaux ou brûlé vif. Comme le dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature qui était pleurée sur terre, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Si l'amour d'Allah et l'amour d'autrui viennent à s'opposer, sans aucune hésitation, le croyant fera prévaloir l'amour de son maître et seigneur. Et forcément, l'implication de cet amour qui est dans le cœur va apparaître dans ses actes. Car ayyuha l'ikhwa, nous ne sommes pas des murji'as. Nous n'affirmons pas. Les murji'as sont une secte qui a existé à travers l'histoire et qui sont très très nombreux aujourd'hui et qui affirment que quelqu'un peut être croyant intérieurement sans rien faire. Quelqu'un peut croire en l'obligation d'appliquer la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant la sharia du tarout et la sharia du shaitan. Quelqu'un peut croire qu'il peut croire en Allah et aimer Allah alors qu'il ne se prosterne pas une seule prosternation lillah et qu'il n'invoque jamais Allah dans sa vie. Nous sommes loin d'avoir cette croyance. La croyance qu'on a, c'est qu'il y a une corrélation, un lien permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Forcément, si l'extérieur est correct, si l'intérieur est correct, l'extérieur sera correct. Et si quelqu'un ne fait rien en apparence, c'est qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc si l'amour d'Allah prévaut sur tout autre amour en apparence, dans son cœur, forcément, dans la vie, il va faire prévaloir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'amour de tout autre. Mais combien cela est facile à prétendre? Combien est-il facile de prétendre que l'amour d'Allah nous est préférable? Combien est-il facile à dire? Combien est-ce facile à dire? Combien est-ce facile à nos serviteurs de dire et prétendre que l'amour d'Allah lui est plus cher que tout ce qui lui tient à cœur? Et qu'en cas d'opposition entre l'amour d'Allah et autre chose, il n'hésiterait pas le moins du monde à mettre en avant l'amour d'Allah, le préférant à tout le reste. Et qu'il mettrait en avant ce qu'Allah aime devant ce qu'autrui aime. Combien cette prétention est facile? Combien est-ce facile de dire ça? Mais combien est-ce difficile à pratiquer? Et c'est lors des épreuves que l'homme est soit honoré, soit humilié. C'est lors des épreuves que l'homme est soit honoré, soit humilié. وما أكثر ما يقدم الإنسان ما يهواه ويحبه هو أو يحبه كبيره ورئيسه وأميره أو شيخه أو أهله على ما يحبه الله عز وجل فهذا لم تتقدم محبة الله عز وجل في قلبه جميع المحاب ولا كانت محبة الله حاكمة على جميع المحاب ولا أميرة على جميع المحاب. Et combien de fois l'homme fait prévaloir ce que une personne qu'il respecte, son chef d'État ou autre, quand on dit chef d'État, ça ne veut pas dire qu'on reconnaît. Ça ne veut pas dire qu'on reconnaît. Le musulman, le seul responsable qu'il reconnaît et auquel il se soumet, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul » vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir, d'entre nous, les musulmans. Donc c'est la seule autorité à laquelle il obéit pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas comme le font certains lorsqu'ils voient d'autres personnes ou certains gouverneurs aujourd'hui qui appliquent la loi d'autres qu'Allah, la loi du shaitan, de la tête aux pieds, du début à la fin, dans tout, à tel point que maintenant, dans certains pays comme la Tunisie, ils ont lancé un projet de loi qui est de donner une carte d'identité pour toute personne qui veut prier dans une mosquée. Donc tu as une carte d'identité et quand tu rentres à la mosquée, ils vérifient est-ce que c'est la bonne mosquée ou t'es. Si tu n'es pas la bonne mosquée, ils te demandent de partir. Ils ont lancé l'idée. Imaginez comment on essaye d'éradiquer l'islam. C'est une éradication totale de l'islam. En essayant de détruire la foi qui est dans le cœur des gens. On te voit aller à la mosquée, on t'arrête. Où tu vas? T'as 20 ans, comment ça se fait que tu vas à la mosquée? Allez, retourne chez toi. Ou sinon, tu vas aller prier, ils t'attendent à la fin de la mosquée, à la fin de la prière. Quand t'as terminé, tu vas au commissariat. On te fait t'asseoir sur des bouteilles, on te torture. Pourquoi? Parce que t'as prié. Tu portes le hijab, on t'arrête dans la rue. On t'emmène au commissariat, tu t'engages de plus jamais le mettre. Si jamais tu le remets, tu sais ce qui t'attend. Où est l'islam de ces gens? Où est l'islam de ces gens? En quoi ces gens sont les dirigeants des musulmans ou les gouverneurs des musulmans, comme le prétendent certains ignorants? Donc, et combien de fois l'homme fait prévaloir ce qu'une personne qu'il respecte, son chef, son épouse, sa famille aiment sur ce qu'Allah aime et agrée. Et celui qui agit de la sorte, son amour intérieur pour Allah n'aura pas eu le dessus sur les autres choses qu'il chérit et auxquelles il est attaché. Au même titre que l'amour d'Allah n'est pas pour cette personne ce qui gère et contrôle les choses qu'il aime. Ce n'est pas ce qu'il gère et contrôle sa vie. C'est autre chose. وسنة الله وهذه هي الطامة الكبرى وسنة الله عز وجل في من هذا شأنه في من يقدم حب نفسه وما تهواه أو حب كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله أو غير ذلك على حب الله عز وجل أن ينكب عليه محابه أو أن ينغص عليه تلك المحاب فلا ينال منها شيئا إلا بنكب أو وتنغيص جزاء من الله عز وجل على إثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق ويحبه أو يقدم محبته على محبة الله عز وجل هذا جزاء من أعرض عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Et la règle qu'Allah a établie dans ce monde, pour celui dont la situation est telle, celui qui fait prévaloir ce que son âme aime et ses penchants naturels, ou ce qu'une personne qu'il respecte et honore aime, ou ce que son chef, son cher, son épouse, son époux, sa famille et autres, celui qui fait prévaloir cet amour-là, ou l'amour d'autrui, sur l'amour d'Allah, la règle qu'Allah a déterminée dans cette vie, dans ce monde, pour ceux qui agissent de la sorte, et de le faire souffrir par cette même chose qu'il a fait prévaloir devant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'en faire la cause de l'empoisonnement de sa vie, ne pouvant obtenir d'eux que ce qu'Allah lui a écrit et après une souffrance et l'empoisonnement de sa propre vie en récompense de son agissement. Donc il obtiendra ce qu'Allah lui a décrété dans tous les cas, mais il passera auparavant par quoi? Par le châtiment de celui qui agit de la sorte. C'est quoi? C'est que cette même chose qu'il a aimée sera la cause de sa souffrance. Il souffrira par cette même chose. Et elle lui empoisonnera la vie. Tout ceci en tant que punition d'Allah pour avoir préféré les créatures et leurs désirs et volontés au Créateur et ses commandements. Alors que les commandements d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les ordres d'Allah, n'ont pour but que de rendre l'humanité heureuse sous l'ombre d'une noble législation transmise par l'homme qui fut envoyé comme miséricorde pour l'humanité, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Telle est la récompense de ceux qui font prévaloir leurs désirs personnels et penchants naturels, ou ceux des personnalités qu'ils respectent, honorifient et aiment, et leurs désirs face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. وقد قضى الله عز وجل قضاء لا يرد ولا يدفع أن من أحب شيئا سواه أي أحب شيئا وقدم هذه المحبة على محبة الله تبارك وتعالى عذبه الله بهذا الشيء ولا بد وأن من خاف غيره أي خاف غير الله فعصى الله سبحانه وتعالى مخافة لغيره ولم يقدم خوف الله على خوف غيره وأن من خاف غيره سلطه الله عليه وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه أي مصيبة عليه وأن من آثر غير الله على الله لم يبارك الله فيه ومن أرضى غيره أي غير الله بسخط الله أي هو مستعد ليسخط الله تبارك وتعالى من أجل إرضاء مخلوق من المخلوقات زوجة أو غير ذلك أو كبيرا أو رئيسا أو غيره هو مستعد ليسخط الله سبحانه وتعالى من أجل إرضاء هؤلاء فمن فعل ذلك أسخطه الله عليه ولا بد سيسخط الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي أراد رضاه سيسخط الله عليه. Et Allah a établi un décret qui ne peut être contré, ni remis en cause, qui est que celui qui aime un être, une chose, au point de le faire prévaloir, et le préférer à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le fera souffrir par cette même chose, et sa vie sera un calvaire, et la cause de ce calvaire ne sera autre que ce qu'il a aimé et préféré devant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tôt ou tard, il va le payer. S'il ne le paye pas maintenant, il le payera un jour. Et il va goûter à cette règle universelle dont personne ne peut échapper. Et celui qui craint autre qu'Allah, au point de faire prévaloir cette peur, devant la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et désobéira à Allah par peur de cette créature, sans qu'Allah ne lui ait permis, Allah donnera le dessus à cette créature et cet être dont il a eu peur sur lui. Allah donnera à cette créature le dessus sur lui. Et quiconque se consacre à autre qu'Allah, cet autre sera une source de malheur pour lui. Tôt ou tard, et un jour ou l'autre, elle sera une source de malheur pour lui. Et celui qui préfère et fait prévaloir autre qu'Allah devant Allah, la barakallahu fi. Allah ne lui accordera aucune bénédiction. Aucune baraka ne lui sera jamais accordée. Et tout ce qu'il obtiendra ne sera que vain sans aucune bénédiction. Ce qu'il obtiendra, il ne pourra pas en profiter correctement. Et quiconque satisfait les gens dans le mécontentement d'Allah, Allah fera que les gens soient insatisfaits de lui et soient mécontents. Tout ceci est inévitable. Tout ceci est inévitable. هذا أيها الإخوة الكرام هو الأمر الأول. الأمر الأول أي الذي يستقيم به أمر القلب على عبوديته لله سبحانه وتعالى، وهو أن تكون محبة الله عز وجل مقدمة عنده على جميع المحاب. Donc ceci est la première des choses qu'on a vues pour que le cœur soit droit et pour que le cœur soit saint, qui consiste à ce que l'amour d'Allah prévaut sur tout autre amour. أما الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب فهو تعظيم الأمر والنهي وهو ما سنتحدث عنه في الخطبة الثانية. Quant à la deuxième chose qui par laquelle le cœur est droit et devient droit, c'est que le serviteur respecte les ordres et les interdictions divines. Et c'est ce dont on va parler dans la deuxième khutba. أقول قولي هذا واستغفر الله لي واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، الأمر الأول الذي يستقيم به القلب هو تقديم محبة الله عز وجل على كل المحاب. وأما الأمر الثاني فهو تعظيم الأمر والنهي، تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه الناشئ، أي هذا التعظيم الناشئ عن تعظيم الآمر الناهي ألا وهو ربنا جل وعلا. Très cher frère, la première chose donc par laquelle le cœur devient saint est que l'amour d'Allah prévaut sur tout autre amour, sur toute autre chose qui te tient à cœur. La première chose donc par laquelle l'amour par lequel le cœur devient droit et par lequel le cœur est saint, c'est que tu fasses prévaloir l'amour d'Allah face à tout autre amour. Et c'est ainsi que le cœur atteint la droiture voulue par son Seigneur. Et donc, de faire donc cette chose-là, qu'est-ce que c'est? Comme on a vu, c'est de faire prévaloir l'amour d'Allah sur tout autre. Quant à la deuxième, elle consiste à respecter et vénérer les ordres et interdictions. Respecter, vénérer les ordres et interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce respect, d'où vient ce respect? D'où provient ce respect? Ce respect découle du respect même de l'être suprême à l'origine de ces ordres et de ces interdictions. Ala lahu al-khalqu wal-amr, tabarakallahu rabbul alamin. N'est-ce pas lui seul qu'appartient la création et le commandement? Fal-amr wal-nahi haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa qad dhamma Allahu 'azza wa jalla man la yu'azzimuhu wa la yu'azzimu amrahu wa nahyahu. Fa qala jalla wa ala ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا أي ما لكم لا تخافون لله عظمة ما لكم لا تعظمون الله سبحانه وتعالى وتخافونه لعظمته تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا فعظموا أوامره ونواهيه. Et Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui ne le respectent pas et ne l'honorent pas et ne respectent pas et n'honorent point ses ordres et interdits. Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui ne le font pas, qui ne respectent pas les ordres et les interdictions d'Allah et qui ne respectent pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui nous a donné les ordres et nous a donné les interdictions. Allah dans le Coran nous dit: qu'avez-vous à ne pas craindre la malakum la tarjuna lillahi wa qara, c'est-à-dire qu'avez-vous à ne pas craindre la grandeur d'Allah. Qu'avez-vous à ne pas craindre la grandeur d'Allah? Wa ta'zimu al-amri wa an-nahyi bi thalathati umur. Awalan an la yu'arada, an la tu'arida ta'zimaka lil-amri wa an-nahyi bi tarakhusin jathim. Thaniyan wa la yu'arrad, ay la tu'arrid ta'zimaka lil-amri wa an-nahyi li tashdidin ghali. ثالثا ولا يحمل أي لا يحمل الأمر والنهي على علة توهن الانقياد أي تضعف انقيادك لله سبحانه وتعالى. تعظيم فإذا تعظيم العبد لأمر الله واتباع العبد لأمر الله والنهي تعظيم هذا التعظيم دليل على تعظيم لصاحبه لصاحب الأمر والنهي وبحسب هذا التعظيم يكون من الأبرار أي يكون الإنسان من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق والصحة الاعتقاد والبراءة من النفاق عافاني الله وإياكم من النفاق. Et le respect des ordres interdits se fait par trois choses. La première chose, ne pas se laisser aller dans les facilités et cas exceptionnels qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a établis et qui sont contraires aux règles générales et qu'on appelle ar-rukhas, ah oui, ruksa. Ne pas se laisser aller dans les facilités et cas exceptionnels contraires aux règles générales qu'Allah nous a établies au point de tomber dans l'interdit et s'opposer à la sagesse même pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cette facilité. Au point de tomber dans l'interdit et s'opposer à la sagesse même de la législation de cette facilité. Par exemple, Allah a permis en cas de chaleur intense, quand il fait très très chaud, de retarder la prière de Dhuhr, jusqu'à ce que la température diminue, afin que le serviteur se présente dans la situation la plus idéale pour implorer son Seigneur et prier son Créateur. Mais si maintenant l'un d'entre nous venait à laisser la prière de Dhuhr jusqu'à ce que son heure sorte, là, il aura certes pris au départ la facilité, mais il n'aura pas respecté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni même les conditions de cette facilité et de cet ursa qu'Allah a donné. Le fait de prendre des facilités, il ne faut pas que ça nous pousse à tomber dans l'interdit. De même, un exemple, un point que certains savants tels que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim et d'autres ont cité, qui est que lorsqu'on est en voyage, rassembler les prières, c'est pas une ursa. La ruksa, c'est quoi? C'est de diminuer du nombre de rak'at. Tu fais deux rak'at pour Dhuhr, deux rak'at pour l'Asr et deux rak'at pour l'Isha. Mais faire Dhuhr et l'Asr en même temps, ou le Maghrib et l'Isha en même temps, ça c'est vraiment en cas de besoin. Si tu n'as pas besoin, tu ne dois pas le faire. Tu fais chaque prière à son heure. Deuxièmement, deuxième point sur lequel est basé le respect de l'ordre et de l'interdit, c'est ne pas exagérer et être pris de persécution mentale au point de délaisser le halal pour finalement tomber dans ce qui est clairement haram. Au point de tomber dans ce qui est clairement haram. Et c'est ce qu'on appelle le wara' al-fasid. Certains délaissent ce qui est permis au point qu'avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Ils délaissent ce qui est permis pour qu'ils ne tiennent pas et ils tombent dans l'interdit. Qu'Allah nous en préserve. Le troisième point, ne pas être sans cesse à la recherche, et ce point-là, il est très très important. Ne pas être sans cesse à la recherche des sagesses divines, des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, derrière et dans les ordres et interdits, au point d'affaiblir sa soumission, lorsque cette sagesse ne t'apparaît pas, ou lorsqu'elle reste confuse à tes yeux. Lorsque la sagesse ne t'apparaît pas, qu'est-ce qui se passe? Tu as difficile et tu as des difficultés à te soumettre à l'ordre d'Allah. Ça jamais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps chercher pourquoi Allah il a légiféré ça, pourquoi Allah il a interdit ça, pourquoi Allah a-t-il interdit à la femme de s'épiler les sourcils, pourquoi Allah a établi ça. Ne pas tout le temps chercher. La sagesse t'apparaît, alhamdulillah. Elle ne t'apparaît pas, alhamdulillah. Wa ma kana qawla al-mu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma baynahum illa yaqulu sami'na wa ata'na. Et la parole des croyants lorsqu'ils sont appelés à ce qu'Allah et son messager jugent entre eux n'est autre que de dire nous avons entendu et nous allons nous soumettre. Donc ne cherche pas tout le temps les sagesses, car le jour où tu ne vas pas la trouver, tu auras dit difficile et tu auras des difficultés à te soumettre. Qu'Allah nous en préserve. Au contraire, le croyant se soumet totalement aux ordres d'Allah et à son jugement, prenant comme guide les seuls ordres de son Seigneur, que la sagesse lui apparaisse ou qu'elle ne lui apparaisse pas, que la sagesse lui apparaisse ou qu'elle lui soit cachée. Et le respect que le serviteur voue au commandement d'Allah. Donc on a vu ces trois points-là. Maintenant, ce respect que le serviteur voue au commandement d'Allah et le suivi des ordres d'Allah et l'abstention, il s'abstient et s'éloigne des interdits, ce respect-là, cette forme de respect est une preuve du respect et de l'honorification de celui qui est à l'origine de ces ordres interdits, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ala lahu al-khalq wa al-amr, tabarakallahu rabbul alamin, n'est-ce pas lui seul qu'appartient la création et le commandement. Et en fonction de ce respect, le serviteur sera du nombre des bienfaisants dont Allah a témoigné de la foi, de l'approbation, de leur tasdir, de leur croyance véritable en message de l'islam. Et de même Allah a témoigné de la validité de leur croyance ainsi que de leur désaveu de l'hypocrisie. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie. ذكرنا أيها الإخوة الكرام ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الترخص الجاثم الترخص الجازم قلنا وتعظيم الأمر والنهي بثلاثة أمور: أن لا يعارض بترخص جاثم، ولا يعرض لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن للقياد. فما هو الترخص الجاثم أيها الإخوة الكرام؟ هو أن يسترسل العبد مع الرخصة إلى حد يكون حبه جاثيا غير مستقيم على المنهج الوسط. إن الله أيها الإخوة، إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه. والرخصة شرعه الله سبحانه وتعالى تيسيرا لعباده، فإذا ما استرسل العبد معها حتى يكون جاثيا غير مستقيم، مثلا شرع الله عز وجل رخصة للعباد في شدة الحر أن يبردوا بالصلاة، أي حتى تتفرغ قلوبهم للوقوف بين يدي الرب الجليل تبارك وتعالى لمناجاته، ولا يكون العباد في ضجر وتملل، أي حتى لا يملوا. فإذا استرخص المسترخص الجاثي حتى يخرج وقت الصلاة، هل كان معظما لأمر الله؟ كلا. وكذلك رخصة السفر هي أن تصلي ركعتين، هي هو التقصير. أما الجمع فليس رخصة، الجمع تجمع بين الصلاتين إذا كنت في حاجة ماسة، إذا احتجت أن تجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر أو صلاة المغرب وصلاة العشاء وأنت في سفر فافعل، ولا شيء عليك ولا حرج عليك. وأما وأنت لا تحتاج فتصلي طيلة سفرك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليس هذا هو الذي ينبغي للمسلم الذي يعظم أوامر الله سبحانه وتعالى، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وأما الأمر الثاني وهو لا يعرض لتشتيت الغالي، هو كالمبتلين بالوساوس والمتنطعين في الورع الفاسد الذي يحمل على ترك الحلال ويؤدي به إلى الوقوع في الحرام المحض، وهذا هو الورع الغير المشروع، الورع الفاسد، كالذين يتوضؤون المرة تلو الأخرى حتى يخرج وقت الصلاة. هذا أمر غير لا ينبغي، وهذا أمر محرم، وهو خلل في عقل الإنسان. والأمر الثالث أن لا يحمل أي الأمر والنهي على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، أي أن المسلم لا يبحث دائما عن الحكم من وراء الأحكام الشرعية، لا يبحث دائما. لماذا؟ لأنه إن قدر الله له يوما من الأيام أنه لم يفهم حكمة ما، ماذا سيقع منه؟ أنه سيضعف انقياده لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذه هي البلية الكبرى. أما المؤمنون فأمرهم غير هذا، قال الله سبحانه وتعالى: وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا هو شأن المؤمنين، ليس كشأن المنافقين الذين إذا سمعوا أوامر الله ونواهيه قالوا سمعنا وعصينا، ويبطنون ويخفون الكفر ويظهرون الإيمان. بل العكس، على العبد يسلم لأمر الله وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهي أو لم يظهر له ذلك. وسنترك صور تعظيم الأمر والنهي للخطبة القادمة إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء، وقدر لنا الله سبحانه وتعالى اللقاء. وبارك الله فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى ينصر الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويرفع راية التوحيد، وينصر عباده الموحدين. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فك أسر المسلمين، اللهم فك أسر علمائنا وإخواننا وأخواتنا من سجون الطواغيت، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين، غير مبدلين ولا مغيرين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.